de ce qui nous rapproche, de ce qui nous sépare, des souvenirs de gosse, des cailloux dans la main. J'ai au fond d'une poche, sur du papier buvard, des rêves qui ricochent dans l'eau d'une autre histoire. Parfois d'un songe ultime se révèle magnanime un cœur où se dessinent les reflets de l'instant. On croit se reconnaître jusqu'à même renaître avant de se soumettre au miroir du temps. Effets de transparence, à des jours de lumière, de même connivence, qui modèle l'éphémère, nous redit de l'existence, tout ce que l'on sait d'hier, où se baigne la jouvence, où tu te désaltères. L'aquarelle des mots, à l'amphore du verso, dans le ciel des chaînons, dans la paume de la main, de la muse dans sa course, au récit à la grande ours, où s'abreuve à la source, tes lendemains. De ce qui nous rapproche, de ce qui nous sépare, des souvenirs de gosse, des cailloux dans la main. J'ai au fond d'une poche, sur du papier buvard, des rêves qui ricochent dans l'eau de mon histoire.